Le roi se trouva dans la dernière désolation. Il consulta tous les sages de son royaume sur ce qu'il devait faire pour garantir ses sujets des malheurs dont il les voyait accablés. Ils lui conseillèrent d'envoyer chercher par tout le monde les meilleurs médecins et les plus excellents remèdes, et d'un autre côté qu'il fallait promettre la vie aux criminels condamnés à la mort qui voudraient combattre le dragon. Le roi, assez satisfait de cet avis, l'exécuta et n'en reçut aucune consolation, car la mortalité continuait et personne n'allait contre le dragon qui n'en fut dévoré, de sorte qu'il eut recours à une fée dont il était protégé dès sa plus tendre jeunesse. Elle était fort vieille et ne se levait presque plus. Il alla chez elle et lui fit 1000 reproches de souffrir que le destin le persécutât sans le secourir. « Comment voulez-vous que je fasse ?» lui dit-elle. « Vous avez irrité mes sœurs. Elles ont autant de pouvoir que moi, et rarement nous agissons les unes contre les autres. Songez à les apaiser en leur donnant votre fille. Cette petite princesse leur appartient. Vous avez mis la reine dans une étroite prison. Que vous a donc fait cette femme si aimable pour la traiter si mal ? Prenez votre parti de tenir la parole qu'elle a donnée. Je vous assure que vous serez comblés de bien. Le roi mon père m'aimait chèrement, mais, ne voyant point d'autre moyen de sauver ses royaumes et de se délivrer du fatal dragon, il dit à son ami qu'il était résolu de la croire, qu'il voulait bien me donner aux fées, puisqu'elle assurait que je serais chérie et traitée en princesse de mon rang, qu'il ferait aussi revenir la reine, et qu'elle n'avait qu'à lui dire à qui elle me confierait pour me porter au château de féerie. « Il faut, lui dit-elle, la porter dans son berceau, sur la montagne de fleurs. Vous pourrez même rester aux environs pour être spectateur de la fête qui se passera. » Le roi lui dit que dans 8 jours, il irait avec la reine, qu'elle en avertit ses sœurs, les fées, afin qu'elles fissent là-dessus ce qu'elles jugeraient à propos. Dès qu'il fut de retour au palais, il renvoya quérir la reine avec autant de tendresse et de pompe qu'il avait fait mettre prisonnière avec colère et emportement. Elle était si abattue et si changée qu'il aurait eu de la peine à la reconnaître si son cœur ne l'avait pas assuré que c'était cette même personne qui l'avait enchérie. Il la pria, les larmes aux yeux, d'oublier les déplaisirs qu'il venait de lui causer et que ce seraient les derniers qu'elle éprouverait jamais avec lui. Elle répliqua qu'elle se les était attirés par l'imprudence qu'elle avait eue de promettre sa fille aux fées et que si quelque chose la pouvait rendre excusable, c'était l'état où elle était. Enfin, il lui déclara qu'il voulait me remettre entre leurs mains. La reine, à son tour, combattit ce dessein. Il semblait que quelque fatalité s'en mêlait et que je devais être toujours un sujet de discorde entre mon père et ma mère. Après qu'elle eut bien gémi et pleuré sans rien obtenir de ce qu'elle souhaitait, car le roi en voyait trop les funestes conséquences, et nos sujets continuaient de mourir comme s'ils eussent été coupables des fautes de notre famille. Elle consentit à ce qu'il désirait, et l'on prépara tout pour la cérémonie. Je fus mise dans un berceau de nacre de perles, orné de tout ce que l'art peut faire imaginer de plus galant. Ce n'était que guirlandes de fleurs et festons qui pendaient autour, et les fleurs en étaient de pierreries, dont les différentes couleurs, frappées par le soleil, réfléchissaient des rayons si brillants qu'on ne les pouvait regarder. La magnificence de mon ajustement surpassait, s'il se peut, celle du berceau. Toutes les bandes de mon maillot étaient faites de grosses perles. 24 princesses du sang me portaient sur une espèce de brancard fort léger. Leur parure n'avait rien de commun, mais il ne leur fut pas permis de mettre d'autres couleurs que du blanc par rapport à mon innocence. Toute la cour m'accompagna, chacun dans son rang. Pendant que l'on gravissait la montagne, on entendit une mélodieuse symphonie qui s'approchait. Enfin, les fées parurent au nombre de 36. Elles avaient prié leurs bonnes amies de venir avec elles. Chacune était assise dans une coquille de perles plus grande que celle où Vénus était lorsqu'elle sortit de la mer. Des chevaux marins, qui n'allaient guère bien sur terre, les traînaient plus pompeuses que les premières reines de l'univers, mais d'ailleurs vieilles et laides avec excès. Elles portaient une branche d'olivier pour signifier au roi que sa soumission trouvait grâce devant elles. Et lorsqu'elles me tinrent, ce furent des caresses si extraordinaires qu'il semblait qu'elles ne voulaient plus vivre que pour me rendre heureuse. Le dragon, qui avait servi à les venger contre mon père, venait après elles, attaché avec des chaînes de diamants. Elles me prirent entre leurs bras, me firent 1000 caresses, me douèrent de plusieurs avantages et commencèrent ensuite le branle des fées. C'est une danse fort gaie. Il n'est pas croyable combien ces vieilles dames sautèrent et gambadèrent. Puis le dragon, qui avait mangé tant de personnes, s'approcha en rampant. Les trois fées à qui ma mère m'avait promise s'assirent dessus, mirent mon berceau au milieu d'elles et, frappant le dragon avec une baguette, il déploya aussitôt ses grandes ailes écaillées, plus fines que du crêpe. Elles étaient mêlées de mille couleurs bizarres. Elles se rendirent ainsi à leur château. Ma mère, me voyant en l'air, exposée sur ce furieux dragon, ne put s'empêcher de pousser des cris. Le roi la consola par l'assurance que son ami lui avait donnée qu'il n'arriverait aucun accident et que l'on prendrait le même soin de moi que si j'étais restée dans mon propre palais. Elle s'apaisa, bien qu'il lui fût très douloureux de me perdre pour si longtemps et d'en être la seule cause. Car si elle n'avait pas voulu manger les fruits du jardin, je serais demeurée dans le royaume de mon père et je n'aurais pas eu tous les déplaisirs qui me restent à vous raconter. Sachez donc, fils de roi, que mes gardiennes avaient bâti exprès une tour dans laquelle on trouvait 1000 beaux appartements pour toutes les saisons de l'année, des meubles magnifiques, des livres agréables. Mais il n'y avait point de porte, il fallait toujours entrer par les fenêtres qui étaient prodigieusement hautes. L'on trouvait un beau jardin sur la tour, orné de fleurs, de fontaines et de berceaux de verdure, qui garantissait de la chaleur dans la plus ardente canicule. Ce fut en ce lieu que les fées m'élevèrent, avec des soins qui surpassaient tout ce qu'elles avaient promis à la reine. Mes habits étaient des plus à la mode et si magnifiques que si quelqu'un m'avait vu, l'on aurait cru que c'était le jour de mes noces. Elles m'apprenaient tout ce qui convenait à mon âge et à ma naissance. Je ne leur donnais pas beaucoup de peine, car il n'y a guère de choses que je ne comprisse avec une extrême facilité. Ma douceur leur était fort agréable. Et comme je n'avais rien vu qu'elle, je serais demeurée tranquille dans cette situation le reste de ma vie. Elle venait toujours me voir, montée sur le furieux dragon dont j'ai déjà parlé. Elle ne m'entretenait jamais ni du roi, ni de la reine. Elle me nommait leur fille, et je croyais l'être. Personne au monde ne restait avec moi dans la tour, qu'un perroquet et un petit chien qu'elle m'avait donné pour me divertir, car ils étaient doués de raison et parlaient à merveille. Un des côtés de la tour était bâti sur un chemin creux, plein d'ornières et d'arbres qui l'embarrassaient, de sorte que je n'y avais aperçu personne depuis qu'on m'avait enfermé. Mais un jour, comme j'étais à la fenêtre, causant avec mon perroquet et mon chien, j'entendis quelques bruits. Je regardai de tous côtés et j'aperçus un jeune chevalier qui s'était arrêté pour écouter notre conversation. Je n'en avais jamais vu qu'en peinture. Je ne fus pas fâché qu'une rencontre inespérée me fournît cette occasion. De sorte que, ne me défiant point du danger qui est attaché à la satisfaction de voir un objet aimable, je m'avançai pour le regarder, et plus je le regardais, plus j'y prenais de plaisir. Il me fit une profonde révérence, il attacha ses yeux sur moi, et me parut très en peine de quelle manière il pourrait m'entretenir, car ma fenêtre était fort haute, il craignait d'être entendu, et il savait bien que j'étais dans le château des fées. La nuit vint presque tout d'un coup, où, pour parler plus juste, elle vint sans que nous nous en aperçussions. Il sonna deux ou trois fois du cor et me réjouit de quelques fanfares. Puis il partit sans que je pusse même distinguer de quel côté il allait, tant l'obscurité était grande. Je restais très rêveuse. Je ne sentis plus le même plaisir que j'avais toujours pris à causer avec mon perroquet et mon chien. Ils me disaient les plus jolies choses du monde, car des bêtes fées deviennent spirituelles, mais j'étais occupée et je ne savais point l'art de me contraindre. Perroquet le remarqua, il était fin, il ne témoigna rien de ce qui lui roulait dans la tête. Je ne manquai pas de me lever avec le jour, je courus à ma fenêtre, je demeurai agréablement surprise d'apercevoir au pied de la tour le jeune chevalier. Il avait des habits magnifiques, je me flattai que j'y avais un peu de part et je ne me trompais point. Il me parla avec une espèce de trompette qui porte la voix, et par son secours, il me dit qu'ayant été insensible jusqu'alors à toutes les beautés qu'il avait vues, il s'était senti tout d'un coup si vivement frappé de la mienne qu'il ne pouvait comprendre comme quoi il se passerait sans mourir de me voir tous les jours de sa vie. Je demeurai très contente de mon compliment et très inquiète de n'oser y répondre. Car il aurait fallu crier de toute ma force et me mettre dans le risque d'être mieux entendu encore des fées que de lui. Je tenais quelques fleurs que je lui jetais. Il les reçut comme une insigne faveur, de sorte qu'il les baisa plusieurs fois et me remercia. Il me demanda ensuite si je trouverais bon qu'il vînt tous les jours à la même heure sous mes fenêtres, et que si je le voulais bien, je lui jetasse quelque chose. J'avais une bague de turquoise que j'ôtais brusquement de mon doigt et que je lui jetais avec beaucoup de précipitation, lui faisant signe de s'éloigner en diligence. c'est que j'entendais de l'autre côté la fée Violente qui montait sur son dragon pour m'apporter à déjeuner. La première chose qu'elle dit en entrant dans ma chambre, ce furent ces mots. « Je sens ici la voix d'un homme. Cherche, dragon !» Oh, que devins-je ? J'étais transi de peur qu'il ne passât par l'autre fenêtre et qu'il ne suivît le chevalier pour lequel je m'intéressais déjà beaucoup. « En vérité, dis-je, ma bonne maman, car la vieille fée voulait que je la nommasse ainsi. Vous plaisantez quand vous dites que vous sentez la voix d'un homme. Est-ce que la voix sent quelque chose ? Et quand cela serait, quel est le mortel assez téméraire pour hasarder de monter dans cette tour ? Ce que tu dis est vrai, ma fille, répondit-elle. Je suis ravie de te voir raisonner si joliment, et je conçois que c'est la haine que j'ai pour tous les hommes qui me persuade quelquefois qu'ils ne sont pas éloignés de moi. » Elle me donna mon déjeuner et ma quenouille. « Quand tu auras mangé, ne manque pas de filer, car tu ne fis rien hier, » me dit-elle, « et mes sœurs se fâcheront. » En effet, je m'étais si fort occupée de l'inconnu qu'il m'avait été impossible de filer. Dès qu'elle fut partie, je jetai la quenouille d'un petit air mutin et montai sur la terrasse pour découvrir de plus loin dans la campagne. J'avais une lunette d'approche excellente. Rien ne bornait ma vue, je regardais de tous côtés lorsque je découvris mon chevalier sur le haut d'une montagne. Il se reposait sous un riche pavillon d'étoffe d'or et il était entouré d'une fort grosse cour. Je ne doutais point que ce ne fût le fils de quelque roi voisin du palais des fées. Comme je craignais que s'il revenait à la tour, il ne fût découvert par le terrible dragon, je vins prendre mon perroquet et lui dis de voler jusqu'à cette montagne, qu'il y trouverait celui qui m'avait parlé et qu'il le pria de ma part de ne plus revenir, parce que j'appréhendais la vigilance de mes gardiennes et qu'elles ne lui fissent un mauvais tour. Perroquet s'acquitta de sa commission en perroquet d'esprit. Chacun demeura surpris de le voir venir à tire-d'aile se pencher sur l'épaule du prince et lui parler tout bas, à l'oreille. Le prince ressentit de la joie et de la peine de cette ambassade. Le soin que je prenais flattait son cœur, mais les difficultés qui se rencontraient à me parler l'accablaient sans pouvoir le détourner du dessein qu'il avait formé de me plaire. Il fit 100 questions à Perroquet, et Perroquet lui en fit 100 à son tour, car il était naturellement curieux. Le roi le chargea d'une bague pour moi à la place de ma turquoise. C'en était une aussi, mais beaucoup plus belle que la mienne. Elle était taillée en cœur, avec des diamants. « Il est juste, ajouta-t-il, que je vous traite en ambassadeur. Voilà mon portrait que je vous donne. Ne le montrez qu'à votre charmante maîtresse. » Il lui attacha sous son aile son portrait et il apporta la bague dans son bec. J'attendais le retour de mon petit courrier vert avec une impatience que je n'avais point connue jusqu'alors. Il me dit que celui à qui je l'avais envoyé était un grand roi, qu'il l'avait reçu le mieux du monde, et que je pouvais m'assurer qu'il ne voulait plus vivre que pour moi. Qu'encore qu'il y eût beaucoup de périls à venir au bas de ma tour, il était résolu à tout plutôt que de renoncer à me voir. Ces nouvelles m'intriguèrent fort, je me pris à pleurer. Perroquet et Toutou me consolèrent de leur mieux, car ils m'aimaient tendrement. Puis Perroquet me présenta la bague du prince et me montra le portrait. J'avoue que je n'ai jamais été si aise que je le fus de pouvoir considérer de près celui que je n'avais vu que de loin. Il me parut encore plus aimable qu'il ne m'avait semblé. Il me vint sans pensée dans l'esprit, dont les unes agréables et les autres tristes, me donnèrent un air d'inquiétude extraordinaire. Les fées qui vinrent me voir s'en aperçurent. Elles se dirent l'une à l'autre que sans doute je m'ennuyais et qu'il fallait songer à me trouver un époux de race fée. Elles parlèrent de plusieurs et s'arrêtèrent sur le petit roi Mygonnet, dont le royaume était à 5 000 lieues de leur palais. Mais ce n'était pas là une affaire. Perroquet entendit ce beau conseil. Il vint m'en rendre compte et me dit « Oh, que je vous plains, ma chère maîtresse, si vous devenez la reine Mygonnette, c'est un magot qui fait peur. J'ai regret de vous le dire, mais en vérité, le roi qui vous aime ne voudrait pas de lui pour être son valet de pied. « Est-ce que tu l'as vu, Perroquet ? Je le crois vraiment, » continua-t-il. « J'ai été élevée sur une branche avec lui. »« Comment sur une branche ? » repris-je. « Oui, » dit-il, « c'est qu'il a les pieds d'un aigle. » Un tel récit m'affligea étrangement. Je regardais le charmant portrait du jeune roi. Je pensais bien qu'il n'en avait régalé Perroquet que pour me donner lieu de le voir. Et quand j'en faisais comparaison avec Mygonnet, je n'espérais plus rien de ma vie et je me décidais plutôt à mourir qu'à l'épouser. Je ne dormis point tant que la nuit dura. Perroquet et Toutou causèrent avec moi. Je m'endormis un peu sur le matin, et comme mon chien avait le nez bon, il sentit que le roi était au pied de la tour. Il éveilla Perroquet. Je gage, dit-il, que le roi est là-bas. Perroquet répondit, « Tais-toi, babillard, parce que tu as presque toujours les yeux ouverts et l'oreille alerte, tu es fâché du repos des autres. Mais gageons, dit encore le bon toutou, je sais bien qu'il y est. » Perroquet répliqua, « Et moi, je sais bien qu'il n'y est point. Ne lui ai-je pas défendu d'y venir, de la part de notre maîtresse ?»« Ah, vraiment, tu me la donnes belle avec tes défenses !» s'écria mon chien. « Un homme passionné ne consulte que son cœur !» Et là-dessus, il se mit à lui tirailler si fort les ailes que Perroquet se fâcha. Je m'éveillai aux cris de l'un et de l'autre. Ils me dirent ce qui en faisait le sujet. Je courus, ou plutôt je volai à ma fenêtre. Je vis le roi qui me tendait les bras et qui me dit avec sa trompette qu'il ne pouvait plus vivre sans moi, qu'il me conjurait de trouver les moyens de sortir de ma tour ou de l'y faire entrer, qu'il attestait tous les dieux et tous les éléments qu'il m'épouserait aussitôt et que je serais une des plus grandes reines de l'univers. Je commandai à mon perroquet de lui aller dire que ce qu'il souhaitait me semblait presque impossible, que cependant, sur la parole qu'il me donnait et les serments qu'il avait faits, j'allais m'appliquer à ce qu'il désirait, que je le conjurais de ne pas venir tous les jours, qu'enfin l'on pourrait s'en apercevoir et qu'il n'y aurait point de quartier avec les fées. Il se retira comblé de joie par l'espérance dont je le flattais, et je me trouvai dans le plus grand embarras du monde lorsque je fis réflexion à ce que je venais de promettre. Comment sortir de cette tour où il n'y avait point de porte et n'avoir pour tout secours que Perroquet et Toutou ? Être si jeune, si peu expérimentée, si craintive. Je pris donc la résolution de ne point tenter une chose où je ne réussirais jamais, et je l'envoyai dire au roi par Perroquet. Il voulut se tuer à ses yeux, mais enfin il le chargea de me persuader ou de le venir voir mourir ou de le soulager. « Sire, s'écria l'ambassadeur emplumé, ma maîtresse est suffisamment persuadée, elle ne manque que de pouvoir. » Quand il me rendit compte de tout ce qui s'était passé, je m'affligeais plus que je l'eusse encore fait. La fée violente vint, elle me trouva les yeux enflés et rouges, elle dit que j'avais pleuré et que, si je ne lui en avouais le sujet, elle me brûlerait, car toutes ces menaces étaient toujours terribles. Je répondis en tremblant que j'étais lasse de filets et que j'avais envie de petits filets pour prendre des oisillons qui venaient becqueter les fruits de mon jardin. « Ce que tu souhaites, ma fille, me dit-elle, ne te coûtera plus de larmes. Je t'apporterai des cordelettes tant que tu en voudras. » Et en effet, j'en eus le soir même. Mais elle m'avertit de songer moins à travailler qu'à me faire belle, parce que le roi Mygonnet devait arriver dans peu. Je frémis à ces fâcheuses nouvelles et ne répliquai rien. Dès qu'elle fut partie, je commençai deux ou trois morceaux de filet. Mais à quoi je m'appliquai, ce fut à faire une échelle de corde, qui était très bien faite, sans en avoir jamais vu. Il est vrai que la fée ne m'en fournissait pas autant qu'il m'en fallait, et sans cesse elle me disait, « Mais ma fille, ton ouvrage est semblable à celui de Pénélope, il n'avance point, et tu ne te lasses pas de me demander de quoi travailler. Oh, ma bonne maman, disais-je, vous en parlez bien à votre aise, ne voyez-vous pas que je ne sais comment m'y prendre et que je brûle tout ? « Avez-vous peur que je vous ruine en ficelle ?» Mon air de simplicité la réjouissait, bien qu'elle fût d'une humeur très désagréable et très cruelle. J'envoyai Perroquet dire au roi de venir un soir sous les fenêtres de la tour, qu'il y trouverait l'échelle et qu'il saurait le reste quand il serait arrivé. En effet, je l'attachai bien ferme, résolu de me sauver avec lui. Mais quand il la vit, sans attendre que je descendisse, il monta avec empressement et se jeta dans ma chambre, comme je préparais tout pour ma fuite. Sa vue me donna tant de joie que j'en oubliai le péril où nous étions. Il renouvela tous ses serments et me conjura de ne point différer de le recevoir pour mon époux. Nous prîmes Perroquet et Toutou pour témoins de notre mariage. Jamais noces ne se sont faites entre des personnes si élevées avec moins d'éclat et de bruit. Et jamais cœurs n'ont été plus contents que les nôtres. Le jour n'était pas encore venu quand le roi me quitta. Je lui racontai l'épouvantable dessein des fées de me marier au petit Mygonnet. Je lui dépeignis sa figure dont il eut autant d'horreur que moi. À peine fut-il parti que les heures me semblèrent aussi longues que des années. Je courus à la fenêtre, je le suivis des yeux malgré l'obscurité, mais quel fut mon étonnement de voir en l'air un chariot de feu traîné par des salamandres ailés qui faisaient une telle diligence que l'œil pouvait à peine le suivre. Ce chariot était accompagné de plusieurs gardes montés sur des autruches. Je n'eus pas assez de loisirs pour bien considérer le magot qui traversait ainsi les airs, mais je crus aisément que c'était une fée ou un enchanteur. Peu après, la fée violente entra dans ma chambre. « Je t'apporte de bonnes nouvelles, me dit-elle. Ton amant est arrivé depuis quelques heures. Prépare-toi à le recevoir. Voici des habits et des pierreries. » Et qui vous a dit, m'écriai-je, que je voulais être mariée? Ce n'est point du tout mon intention. Renvoyez le roi Mygonnet. Je n'en mettrai pas une épingle davantage. Qu'il me trouve belle ou laide, je ne suis point pour lui. » Ouais, ouais, dit la fée encore. Quelle petite révoltée! Quelle tête sans cervelle! Je n'entends pas raillerie et je te... Que me ferez-vous? Répliquai-je, toute rouge, des noms qu'elle m'avait donnés. Peut-on être plus tristement nourri que je le suis, dans une tour, avec un perroquet et un chien, voyant tous les jours plusieurs fois l'horrible figure d'un dragon épouvantable? Ah, petite ingrate, dit la fée, méritais-tu tant de soins et de peines? Je ne l'ai que trop dit à mes sœurs que nous en aurions une triste récompense. Elle alla les trouver. Elle leur raconta notre différend. Elles restèrent aussi surprises les unes que les autres. Perroquet et Toutou me firent de grandes remontrances. Que si je faisais davantage la mutine, ils prévoyaient qu'il m'en arriverait de cuisants déplaisirs. Je me sentais si fier de posséder le cœur d'un grand roi que je méprisais les fées et les conseils de mes pauvres petits camarades. Je ne m'habillais point et j'affectais de me coiffer de travers, afin que Mygonnet me trouvât désagréable. Notre entrevue se fit sur la terrasse. Il y vint avec son chariot de feu. Jamais, depuis qu'il y a des nains, il ne s'en est vu un si petit. Il marchait sur ses pieds et sur ses genoux tout ensemble, car il n'avait point d'eau aux jambes, de sorte qu'il se soutenait sur deux béquilles de diamants. Son manteau royal n'avait qu'une demi-aune de long et traînait de plus d'un tiers. Sa tête était grosse comme un boisseau et son nez si grand qu'il portait dessus une douzaine d'oiseaux dont le ramage le réjouissait. Il avait une si furieuse barbe que les serins de Canaries y faisaient leur nid, et ses oreilles passaient d'une coudée au-dessus de sa tête. Mais on s'en apercevait peu à cause d'une haute couronne pointue qu'il portait pour paraître plus grand. La flamme de son chariot rôtit les fruits, sécha les fleurs et tarit les fontaines de mon jardin. Il vint à moi, les bras ouverts, pour m'embrasser. Je me tins fort droite. Il fallut que son premier écuyer le haussât. Mais aussitôt qu'il s'approcha, je m'enfuis dans ma chambre, dont je fermai la porte et les fenêtres, de sorte que Mygonnet se retira très indigné contre moi. Elles lui demandèrent mille fois pardon de ma brusquerie, et pour l'apaiser, car il était redoutable, elles résolurent de l'amener la nuit dans ma chambre pendant que je dormirais, de m'attacher les pieds et les mains pour me mettre avec lui dans son brûlant chariot, afin qu'il m'emmenât. La chose ainsi arrêtée, elles me grondèrent à peine des brusqueries que j'avais faites. Elles dirent seulement qu'il fallait songer à les réparer. Perroquet et Toutou restèrent surpris d'une si grande douceur. « Savez-vous bien, ma maîtresse, dit mon chien, que le cœur ne m'annonce rien de bon. Mesdames les fées sont d'étranges personnes, et surtout violentes. » Je me moquais de ces alarmes et j'attendis mon cher époux avec mille impatiences. Il en avait trop de me voir pour tarder. Je lui jetai l'échelle de corde, bien résolu de m'en retourner avec lui. Il monta légèrement et me dit des choses si tendres que je n'ose encore les rappeler à mon souvenir. Comme nous parlions ensemble, avec la même tranquillité que nous aurions eue dans son palais, nous vîmes enfoncer tout d'un coup les fenêtres de ma chambre. Les fées entrèrent sur leur terrible dragon. Mygonnet les suivait dans son chariot de feu, et tous ses gardes avec leurs autruches. Le roi, sans s'effrayer, mit l'épée à la main, et ne songea qu'à me garantir de la plus furieuse aventure qui se soit jamais passée. Car enfin, vous le dirai-je, Seigneur, ces barbares créatures poussèrent leur dragon sur lui, et à mes yeux, il le dévora. Désespéré de son malheur et du mien, je me jetai dans la gueule de cet horrible monstre, voulant qu'il m'engloutît, comme il venait d'engloutir tout ce que j'aimais au monde. Il le voulait bien aussi, mais les fées, encore plus cruelles que lui, ne le voulurent pas. « Il faut, s'écrièrent-elles, la réserver à de longues peines. Une prompte mort est trop douce pour cette indigne créature. » Elles me touchèrent, je me vis aussitôt sous la figure d'une chatte blanche. Elles me conduisirent dans ce superbe palais qui était à mon père. Elles métamorphosèrent tous les seigneurs et toutes les dames du royaume en chats et en chattes. Elles en laissèrent à qui l'on ne voyait que les mains, et me réduisirent dans le déplorable état où vous me trouvâtes, me faisant savoir ma naissance, la mort de mon père, celle de ma mère, et que je ne serais délivrée de ma chatonique figure que par un prince qui ressemblerait parfaitement à l'époux qu'elle m'avait ravi. « C'est vous, Seigneur, qui avez cette ressemblance, continua-t-elle, même trait, même air, même son de voix. J'en fus frappée aussitôt que je vous vis. J'étais informée de tout ce qui devait arriver, et je le suis encore de tout ce qui arrivera. Mes peines vont finir. « Et les miennes, belle reine, dit le prince en se jetant à ses pieds, seront-elles de longue durée? Je vous aime déjà plus que ma vie. Seigneur, dit la reine, il faut partir pour aller vers votre père. Nous verrons ses sentiments pour moi et s'il consentira à ce que vous désirez. » Elle sortit, le prince lui donna la main, elle monta dans un chariot avec lui. Il était beaucoup plus magnifique que ceux qu'il avait eus jusqu'alors. Le reste de l'équipage y répondait à tel point que tous les fers des chevaux étaient d'émeraudes et les clous de diamants. Cela ne s'est peut-être jamais vu que cette fois-là. Je ne dis point les agréables conversations que la reine et le prince avaient ensemble. Si elle était unique en beauté, elle ne l'était pas moins en esprit, et ce jeune prince était aussi parfait qu'elle, de sorte qu'il pensait des choses toutes charmantes. Lorsqu'ils furent près du château où les deux frères aînés du prince devaient se trouver, la reine entra dans un petit rocher de cristal dont toutes les pointes étaient garnies d'or et de rubis. Il y avait des rideaux tout autour afin qu'on ne la vît point, et il était porté par des jeunes hommes très bien faits et superbement vêtus. Le prince demeura dans le beau chariot, il aperçut ses frères qui se promenaient avec des princesses d'une excellente beauté. Dès qu'ils le reconnurent, ils s'avancèrent pour le recevoir et lui demandèrent s'il amenait une maîtresse. Il leur dit qu'il avait été si malheureux que, dans tout son voyage, il n'en avait rencontré que de très laides, que ce qu'il apportait de plus rare, c'était une petite chatte blanche. Ils se prirent à rire de sa simplicité. « Une chatte, lui dirent-ils. Avez-vous peur que les souris ne mangent notre palais ?» Le prince répliqua qu'en effet, il n'était pas sage de vouloir faire un tel présent à son père. Là-dessus, chacun prit le chemin de la ville. Les princes aînés montèrent avec leur princesse dans des calèches toutes d'or et d'azur. Leurs chevaux avaient sur la tête des plumes et des aigrettes. Rien n'était plus brillant que cette cavalcade. Notre jeune prince allait après, et puis le rocher de cristal, que tout le monde regardait avec admiration. Les courtisans s'empressèrent de venir dire au roi que les trois princes arrivaient. « Amènent-ils de belles dames ? » répliqua le roi. Il est impossible de rien voir qui les surpasse. À cette réponse, il parut fâché. Les deux princes s'empressèrent de monter avec leur merveilleuse princesse. Le roi les reçut très bien et ne savait à laquelle donner le prix. Il regarda son cadet et lui dit « Cette fois, vous venez donc seul ?»« Votre majesté verra dans ce rocher une petite chatte blanche, » répliqua le prince, « qui miaule si doucement et qui fait si bien patte de velours qu'elle lui agréera. » Le roi sourit et s'avança lui-même pour ouvrir le rocher. Mais aussitôt qu'il s'approcha, la reine, avec un ressort, en fit tomber toutes les pièces et parut comme le soleil qui a été quelque temps enveloppé dans une nuée. Ses cheveux blonds étaient épars sur ses épaules. Ils tombaient par grosses boucles jusqu'à ses pieds. Sa tête était ceinte d'une couronne magnifique. Sa robe d'une légère gaze blanche, doublée de taffetas couleur de rose. Elle se leva et fit une profonde révérence au roi, qui ne put s'empêcher, dans l'excès de son admiration, de s'écrier « Voici l'incomparable et celle qui mérite ma couronne !»« Seigneur, lui dit-elle, je ne suis pas venue pour vous arracher un trône que vous remplissez si dignement. Je suis née avec 6 royaumes. Permettez que je vous en offre un, et que j'en donne autant à chacun de vos fils. Je ne vous demande pour toute récompense que votre amitié et ce jeune prince pour époux. Nous aurons encore assez de 3 royaumes. » Le roi et toute la cour poussèrent de longs cris de joie et d'étonnement. Le mariage fut célébré aussitôt, aussi bien que celui des deux princes, de sorte que toute la cour passa plusieurs mois dans les divertissements et les plaisirs. Chacun ensuite partit pour aller gouverner ses états. La belle chatte blanche s'y était immortalisée autant par ses bontés et ses libéralités que par son rare mérite et sa beauté. Moralité, ce jeune prince fut heureux de trouver en sa chatte une auguste princesse, digne de recevoir son encens et ses vœux, et prête à partager ses soins et sa tendresse. Quand deux yeux enchanteurs veulent se faire aimer, on fait bien peu de résistance, surtout quand la reconnaissance aide encore à nous enflammer. Tairai-je cette mère et cette folle envie qui fit à chatte blanche éprouver tant d'ennuis pour goûter de funestes fruits? Au pouvoir d'une fée, elle la sacrifie. Mère, qui possédait des objets pleins d'appât, détestait sa conduite et ne l'imitait pas.